vie de saint François d'Assise par Paul Sabatier. Édition définitive. Fiche Bachet, Paris, 1931. Markem.archive.org, 2023, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Étude critique des sources des trois compagnons. Note de l'éditeur. Le texte de Légende des Trois Compagnons en a été publié pour la première fois par les Bollandistes, d'après un manuscrit du couvent des frères mineurs de Louvain. C'est d'après cette édition que nous faisons nos citations. Les éditions publiées en Italie dans le courant du XIXe siècle sont devenues introuvables, sauf la dernière, due à l'abbé Amoni. Celle-ci est malheureusement trop fautive pour servir de base à une étude scientifique. Elle apparut à Rome en 1880 sous le titre « Legenda Francisca Cisiensisqua Edicitur Legendatrium Sociorum ». Nombreuses traductions françaises, entre autres une bonne traduction populaire parue sous les auspices de l'abbé Huvelin. La vie de saint François d'Assise, racontée par les frères Léon, Ange et Ruffin, Poussielgue, 1891 et Légende des Trois Compagnons, Paris, Artisan du Livre, 1926. Traduction par l'abbé Louis Pichard, professeur à l'Institut catholique de Paris. Pour l'étude sur la légende des trois compagnons et celle des fragments de la partie supprimée, Speculum Vitae, nous republions presque intégralement le texte de 1894. Elles ont été le point de départ de tous les travaux de Paul Sabatier, et ses vues, dans leur ensemble, étaient restées les siennes, comme le prouvent ses derniers écrits. Fin de la note. La vie de saint François qui nous est parvenue sous le titre de Légende des Trois Compagnons fut terminée le 11 août 1246, dans un petit couvent du Val de Rieti, que nous avons rencontré souvent au cours de cette histoire, celui de Grixio. Cet ermitage avait été le séjour préféré de François surtout dans les derniers temps de sa vie. Il l'avait rendu doublement cher au cœur de ses disciples. Aussi le voyons-nous devenir, dès les premiers temps de l'ordre, le quartier général des observants, et rester à travers les siècles un des foyers les plus purs de la piété franciscaine. Note. Jean de Parme s'y retira en 1276 et y vécut à peu près jusqu'à sa mort. Fin de la note. Cette légende avait pour auteur des hommes dignes de raconter saint François, et peut-être les plus capables de le faire, les frères Léon, Ange et Ruffin. Tous trois avaient vécu dans son intimité et l'avaient accompagné durant les années les plus importantes, ils avaient eu soin, du reste, de recourir à d'autres pour compléter leurs souvenirs, en particulier à Philippe. Un certain nombre de manuscrits disent Jean, le visiteur des Clarisses, à Illuminé de Rieti, à Maceo de Marignano, à Jean le confident d'Égidée de Bernard de Quintaval. De pareils noms promettent beaucoup et par bonheur on n'est pas trompé dans son attente. Le nom des auteurs et l'époque de la composition indiquent avant tout examen à quelle tendance il devra se rattacher. Ce sera un manifeste des frères restés fidèles à l'esprit et à la lettre de la règle. Tout ceci est confirmé par une lecture attentive, c'est au moins autant un panégyrique de la pauvreté qu'une histoire de saint François. On s'attend aussi à voir les trois compagnons nous raconter avec une complaisance toute particulière les innombrables traits de la légende qui ont Grexio pour théâtre. On court à la fin du volume pour y chercher le récit des dernières années dont ils avaient été les témoins et l'on est tout étonné de ne rien trouver. Tandis que la première moitié de l'ouvrage raconte la jeunesse de François, complétant çà et là la première vie de Celano, la seconde est consacrée à un tableau des premiers temps de l'ordre, tableau d'une fraîcheur et d'une intensité de vie incomparables, et où les auteurs à force de sainte naïveté atteignent bien souvent au sublime, mais, chose étrange, après nous avoir si longuement parlé de la jeunesse de saint François, puis des premiers temps de l'ordre, la narration saute brusquement de l'année 1220 à la mort et à la canonisation, auxquelles ne sont du reste consacrées que quelques courtes pages. Ceci est trop extraordinaire pour être le résultat du hasard. Que s'est-il donc passé? Il est évident que la légende des trois compagnons, telle que nous l'avons aujourd'hui, n'est qu'un fragment de l'original qui sans doute fut revu, corrigé et considérablement élagué par les autorités de l'ordre avant qu'on la laissât circuler. Note. Le ministre général Crescentius de Gésy fut un adversaire déclaré et implacable des élateurs de la règle. Fin de la note. Si les auteurs avaient été interrompus dans leur travail et obligés d'en écourter la fin, comme on pourrait le supposer, ils l'auraient dit dans leur lettre d'envoi, mais il y a d'autres arguments à invoquer en faveur de cette hypothèse. Frère Léon ayant eu le premier et le principal rôle dans la rédaction de l'œuvre des Trois Compagnons, on l'appelle souvent légende de Frère Léon. Or la légende de Frère Léon se trouve plusieurs fois citée textuellement par Hubertin de Casals, accusé par le parti de la commune observance en cour d'Avignon. Hubertin se serait évidemment bien gardé d'en appeler un document apocryphe, une fausse citation aurait suffi à le confondre, et ses ennemis n'auraient pas manqué d'exploiter son imprudence. Nous avons en main toutes les pièces du procès, publiées avec tout l'appareil scientifique nécessaire par le père Erlès J. dans ses études, réponses, attaques, ripostes, et nulle part nous ne voyons les relâcher arguer de faux leur adversaire. Celui-ci du reste fait ses citations avec une précision qui ne laisse rien à désirer. Il en appelle à des écrits qui se trouvent dans l'armoire du couvent d'Assises et dont il a tantôt une copie et tantôt un original. Nous sommes donc autorisés à conclure que nous avons là des fragments qui ont survécu à la suppression de la dernière et de la plus importante partie de la légende des Trois Compagnons. Il n'y a pas à s'étonner que l'œuvre des plus chers amis de François ait subi de si graves mutilations. C'était le manifeste d'un parti que Crescentius poursuivit de tout son pouvoir. Après la réaction passagère du général de Jean de Parme, nous verrons un homme de la valeur de Saint Bonaventure provoquer la suppression de toutes les légendes primitives pour leur substituer sa propre compilation. Il semble vraiment étrange que personne ne se soit aperçu de l'état fragmentaire de l'œuvre des Trois Compagnons. Le prologue seul aurait dû suggérer cette idée. Pourquoi se mettre trois pour écrire ces quelques pages? Pourquoi cette énumération solennelle des frères dont ils invoquent le témoignage et la collaboration? Il y aurait une disproportion étonnante entre l'effort et le résultat. De plus, les auteurs disent qu'ils ne se contentent pas de raconter les miracles, mais qu'ils veulent surtout exposer les idées de François, et sa vie avec ses frères. Or on chercherait inutilement dans ce qui nous reste des récits de miracles. Une traduction italienne de cette légende, publiée par le père Stanislao Melchiori, m'a tout à coup apporté une confirmation indirecte de ce point de vue. Ce religieux n'en est que l'éditeur et a pu seulement arriver à savoir qu'en 1577 elle avait été tirée d'un manuscrit très ancien par un certain Musio Achille de San Severino. Cette traduction italienne ne renfermait pas les derniers chapitres de la légende, ceux qui racontent la mort, les stigmates et la translation. Elle a donc été faite à une époque où l'on n'avait pas encore remplacé la partie supprimée par un court résumé des autres légendes. De tout cela se dégagent deux conclusions pour la critique. Premièrement, ce résumé final n'a pas la même autorité que le reste de l'ouvrage, puisqu'on ignore à quelle époque il a été ajouté. Deuxièmement, les fragments d'une légende de Frère Léon ou des Trois Compagnons, épars dans des compilations postérieures, peuvent être parfaitement authentiques. Dans son état actuel, cette légende des Trois Compagnons est le plus beau monument franciscain et l'une des productions les plus délicieuses du Moyen Âge. Il y a dans ces pages, je ne sais quoi de doux, d'intime, de chaste, une sève de jeunesse et de virilité que les Fioretti rappelleront sans y atteindre jamais. À plus de 600 ans de distance, nous sentons revivre le rêve le plus pur qui ait fait tressaillir l'Église chrétienne. Ces frères de Greccio qui, éparpillés dans la montagne, à l'ombre des oliviers, passaient des journées à chanter l'hymne du soleil, sont les vrais modèles entrevus par les maîtres ombriens primitifs. Ils se ressemblent tous, ils sont gauchement posés, tout en eux et autour de pêchent contre les règles les plus élémentaires de l'art. Cependant, leur souvenir vous poursuit, et lorsque vous aurez oublié depuis longtemps les œuvres des maîtres impeccables, vous reverrez sans effort les créations de ces ouvriers inconnus, car l'amour appelle l'amour, et ces personnages étriqués ont un cœur très bon et très pur. Un amour plus qu'humain rayonne dans tout leur être. Ils vous parlent et vous rendent meilleur. Fragment de la partie supprimée de la légende des Trois Compagnons, le Speculum Vitae. Nous pouvons faire maintenant un pas de plus et tâcher de grouper les fragments de la légende des Trois Compagnons ou de Frère Léon qui se retrouvent dans les écrits postérieurs. Ici plus que jamais il faut se mettre en garde contre les théories absolues. Un des principes les plus féconds de la critique consiste à préférer les documents contemporains des faits racontés, ou, tout au moins, ceux qui en sont le plus rapprochés. Mais encore faut-il mettre une certaine discrétion à l'employer. Le raisonnement des Bollandistes ne voulant rien savoir des légendes écrites après celle de Saint Bonaventure, 1260, sous prétexte que, venant après plusieurs autres biographes autorisés, il a été mieux placé que personne pour se renseigner et pour compléter l'œuvre de ses prédécesseurs, semble inattaquable. En réalité, il est absurde, car il suppose que Saint Bonaventure ait voulu faire œuvre d'historien. C'est oublier qu'il écrivait non seulement dans un but d'édification, mais comme ministre général des frères mineurs. Dès lors, son premier devoir était de garder le silence sur une foule de faits et non sur les moins intéressants. Que dire d'une biographie de Saint François où le testament n'est même pas mentionné? Il est facile de laisser de côté un écrit du XIVe siècle, sous prétexte que l'auteur n'a pas vu ce qui se passait 100 ans avant. Mais encore ne faut-il pas oublier que beaucoup de livres de la fin du Moyen Âge ressemblent à ces vieilles maisons où 4 ou 5 générations ont travaillé. Une inscription sur leur façade n'indique souvent que le passage du dernier restaurateur ou du dernier démolisseur, et les noms qui s'étalent avec le plus de complaisance ne désignent pas toujours les véritables ouvriers. Tels ont été beaucoup de livres franciscains, chercher à les attribuer à un auteur serait une entreprise illusoire, des mains fort diverses y ont travaillé, et cet amalgame même a son charme et son intérêt. En les feuilletant, j'allais dire en les fréquentant, On arrive à voir clair dans cet enchevêtrement, car toute œuvre d'homme porte la trace de la main qui l'a faite, cette trace peut être d'une délicatesse presque imperceptible, elle n'en existe pas moins, prête à se révéler à des yeux exercés. Quoi de plus impersonnel que la photographie d'un paysage ou d'un tableau, et pourtant, au milieu de plusieurs centaines d'épreuves, l'amateur ira droit à celle de tel ou tel opérateur préféré. Ces réflexions m'ont été suggérées par l'étude attentive d'un très curieux livre, bien des fois imprimé depuis le XVIe siècle, le Speculum Vitae Francisi et Sociorum Ejus. Un travail complet sur cet ouvrage, ses sources, ses éditions imprimées, les différences nombreuses que l'on trouve entre les manuscrits exigeraient à lui seul un volume et l'histoire abrégée de l'ordre. Je ne peux songer à donner ici que quelques indications, en prenant pour base la plus ancienne édition, celle de 1504. Le pêle-mêle qui y règne est effroyable. Les traits de la vie de François et de ses compagnons y sont entassés sans aucun plan. Plusieurs y sont répétés à quelques pages d'intervalle d'une manière différente. Certains chapitres ont été introduits si maladroitement que le compilateur a oublié d'enlever le numéro d'ordre qu'ils avaient dans l'ouvrage auquel il les emprunte. Enfin, on est tout étonné de trouver plusieurs incipits. Cependant, avec un peu de persévérance, on aperçoit bientôt quelques clartés dans ce labyrinthe. Tout d'abord, voici quelques chapitres de la légende de Bonaventure qui semblent mis là en avant-garde comme pour protéger le reste du livre. Faisons-en abstraction, ainsi que de toute la série des chapitres des Fioretti, nous aurons diminué l'ouvrage de près des trois quarts. Retranchons encore deux chapitres tirés de Saint Bernard de Clairvaux, puis ceux qui contiennent des prières franciscaines, ou les diverses attestations sur l'indulgence de la portioncule, nous arrivons finalement à une sorte de résidu, qu'on me passe l'expression, d'une homogénéité remarquable. Le style y est différent de celui des pages environnantes et rappelle de très près celui des trois compagnons. Une seule pensée traverse ces pages, celle que la pierre angulaire de l'ordre est l'amour de la pauvreté. Pourquoi n'aurions-nous pas là des lambeaux de la légende originale des trois compagnons? On n'y trouve rien qui ne cadre avec ce que nous savons. Rien non plus qui rappelle les enjolivements d'une tradition tardive. Ce qui confirme cette hypothèse, c'est que divers passages que nous y trouvons sont cités par Hubertin de Casals et par Angelo Clareno comme étant de frère Léon et une comparaison attentive des textes montre que ces auteurs n'ont pas pu les puiser dans le spéculum, ni le spéculum chez eux. Il y a, du reste, une phrase qui, sans tenir compte de l'inspiration ou du style, suffirait au premier abord pour marquer l'origine commune de la plupart de ces morceaux, « Nos quicum ipso fuimus, nous qui avons été avec lui ». Ces paroles, qui reviennent presque à chaque récit, ne sont dans bien des cas qu'un hommage reconnaissant des compagnons à leur père spirituel, mais parfois aussi elle renferme quelque chose d'amer, ce sont les ermites de Greccio qui, tout à coup, rappellent leur titre, « Ne sommes-nous pas les seuls, les vrais interprètes des instructions du Saint, nous qui avons sans cesse vécu avec lui, nous qui, heure après heure, avons recueilli ses paroles, ses soupirs et ses chants. » On comprend que ces prétentions n'aient pas été du goût de la commune observance et que Crescentiu, usant d'une autorité incontestable, ait fait supprimer presque toute cette légende. Quant aux fragments qui nous ont été ainsi conservés, s'ils nous fournissent de nombreux détails sur les derniers temps de la vie de François, Ils ne sont cependant pas ceux dont la perte est le plus regrettable. Les auteurs qui les reproduisent défendaient une cause, aussi ne leur devons-nous guère que des traits qui, par quelque côté, concernent la pauvreté. Ils n'avaient que faire des autres récits, n'écrivant pas une biographie. Mais même dans ses limites restreintes, ces lambeaux ont une importance de premier ordre, aussi n'ai-je pas hésité à les employer largement. Il va sans dire que tout en attribuant leur origine aux trois compagnons et à frère Léon en particulier, il ne faut se faire aucune illusion sur la lettre même des textes qui nous sont parvenus. Les morceaux donnés par Hubertin de Casale et par Angelo Clareno sont de véritables citations et, à ce titre, méritent une pleine confiance. Quant à ceux qui nous sont conservés dans le Speculum Vitae, ils ont pu être souvent écourtés, des notes explicatives ont pu se glisser dans le texte, mais on ne voit nulle part la trace d'interpolation dans le mauvais sens du mot. Enfin, si l'on compare ces fragments aux récits correspondants de la seconde vie par Celano, on voit que celui-ci les a parfois empruntés littéralement à frère Léon, mais que la plupart du temps il les a beaucoup écourtés, à ajouter ça et là quelques réflexions et surtout à remanier le style pour le rendre plus élégant. Cette comparaison prouve bien vite aussi que les récits de frère Léon sont l'original et qu'on ne saurait y voir une amplification postérieure de ceux de Thomas de Celano, comme on pourrait être tenté de le penser au premier abord. Fragment de la tradition léonine retrouvée depuis. En 1898, Paul Sabatier faisait un pas de plus dans l'étude des écrits de frère Léon. Voici comment il raconte sa découverte. Dans le domaine de la science historique comme dans les autres, c'est déjà presque trouver une chose que de la chercher. On trouve souvent même mieux que ce qu'on cherche, et c'est ce qui est arrivé cette fois. Je cherchais les trois quarts d'une légende composée en 1246. Et c'est une légende entière, datée de 20 ans plus tôt, qui est venue récompenser ses efforts. Puis parlant des fragments léonins qu'il avait pensé reconnaître dans le Speculum Vitae, ce document, tel que je l'avais reconstitué, comprenait 118 chapitres que j'employais comme une des sources de la vie de Saint François. Sur ces 118 chapitres, sans cesse se retrouve dans le Speculum Perfectionis qui en referme au total 124. J'ai tenu à rappeler ces faits, non seulement pour me disculper auprès des critiques qui m'avaient reproché de placer sur la même ligne le Speculum Vitae et les biographies primitives, mais surtout pour montrer à quel résultat remarquable peut conduire l'étude patiente des textes et la comparaison des documents. La reconstitution des 118 chapitres n'avait absolument rien d'arbitraire. J'étais très tenté, à la vérité, d'y voir la partie supprimée des traits soci, mais plusieurs considérations m'empêchèrent de formuler cette thèse comme absolue et définitive. On devine combien j'étais perplexe, aussi pris-je le seul parti scientifiquement possible. Premièrement, utiliser un document que la critique externe aussi bien que la critique interne mettait au premier rang. Deuxièmement, attendre de nouvelles lumières pour se prononcer sur son origine. Ces nouvelles lumières, le manuscrit 1743 me les a fournies en fixant la composition à 1227. Et la légende elle-même prouve bien qu'elle est l'œuvre de celui qui s'en déclare très clairement l'auteur, frère Léon d'Assise. Il ne peut pas être question de résumer ici, même brièvement, les discussions auxquelles donnèrent lieu la publication du Speculum Perfectionis et l'hypothèse sur l'état fragmentaire de la légende des trois compagnons. Nous renvoyons pour cela au tome 1. 2 et 4 de la collection d'études et de documents et aux opuscules de critique historique. Mentionnons seulement la fameuse étude du révérend Père Vanour III et Gibelandiste, où l'éminent critique aboutissait à la conclusion que la légende traditionnelle des trois compagnons est un habile pastiche datant au plus tôt de la fin du XIIIe siècle. Annales Bollandistes, tome 19, 1900, pages 119 à 197 est la réponse de Paul Sabatier, de l'authenticité de la légende des trois compagnons, revue historique, numéro de janvier 1901. Nous nous bornerons à indiquer les nouveaux fragments de ce que Paul Sabatier appelait la tradition léonine, qui ont été remis au jour depuis l'apparition du Speculum Perfectionis, note de l'éditeur. Les trois compagnons Melchiori Marcellino, Marcellino da Civesa et Teofilo Dominicelli dei Minori, Rome, 1899. Il s'agit d'une reconstitution latine de la légende d'après la vieille traduction italienne publiée déjà par le père Melchiori. Nulle part dans cette œuvre on aperçoit la trace de déformation légendaire tardive, mais il n'en est pas moins vrai qu'entre les 18 chapitres traditionnellement connus comme légende des trois compagnons, et les 61 morceaux que leur ajoute l'édition nouvelle, il y a un contraste qui se révèle au premier coup d'œil. Les premiers occupent en général plusieurs pages, tandis que parmi les autres il en est beaucoup qui n'ont que quelques lignes. Ces différences ont été justement remarquées. Pourtant la critique interne ne relève aucun hiatus d'inspiration, ni aucune dissonance entre les deux séries. L'explication de cette étrangeté est peut-être très simple. Les premiers chapitres de l'œuvre des trois sociétés racontant les débuts de l'œuvre franciscaine n'offraient que peu de passages éveillant les susceptibilités de la large observance. On les laissa passer. Par contre, la narration des événements à partir de 1219 heurtait à chaque instant les questions les plus brûlantes. Il est permis de supposer que parmi les supérieurs de l'ordre il y eut des divergences sur la conduite à tenir vis-à-vis de la dernière partie. Les uns furent, j'imagine, pour la suppression pure et simple, les autres pour un moyen terme, l'expurgation. L'édition Melchiori Marcellino ne serait autre chose que l'œuvre des compagnons revue et soigneusement élaguée par la censure. La légende des trois compagnons tels que les pères Marcellin de Civesa et Théophile Dominicelli l'ont publiée paraît en tout cas antérieure à l'œuvre de Bonaventure et à la seconde vie de Thomas de Celano. Les documents du révérend père Lemens. Les opuscules de frère Léon publiés par le père Lemens ne pourraient-ils pas être une copie d'extraits préparés par Hubertin de Casale ou quelqu'un de ce genre? Note manuscrite de Paul Sabatier. Legenda Vetus. Sept chapitres de la Legenda Antica, vers 1322, qui paraissent provenir de la Legenda Vetus. Vers 1246. Ces sept chapitres sont empruntés au manuscrit franciscain de Lienitz, Bibliothèque de l'Église Saint-Pierre et Paul, numéro 12. Voici l'appréciation de Paul Sabatier telle qu'il l'a donnée en 1919. Quoique les textes allégués jadis par le père Vanour III contre mon hypothèse en aient confirmé la valeur, je me garderai bien de m'appuyer sur eux pour surabonder dans mon propre sens. L'infirmité des raisons opposées à des vues critiques ne suffit pas à en assurer la valeur. En rapprochant les sept chapitres, publiés jadis dans les opuscules, de la longue série de ceux qui seront publiés prochainement, on aperçoit entre les uns et les autres des différences de ton et de style qu'il ne faut pas négliger. Il s'agit d'un certain nombre de chapitres empruntés à divers manuscrits de la compilation d'Avignon, dont Paul Sabatier préparait alors la publication, et l'étude critique et surtout de ceux apportés par le manuscrit Little. Ceux qui furent publiés plus tard par le révérend père Ferdinand de Lorme d'après un manuscrit de Pérouse lui semblaient de même origine, note de l'éditeur. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner tout cela en détail, il suffira de dire que ces chapitres remontent bien à frère Léon, comme le dit Clarénaud, pour leur substance et, jusqu'à un certain point, pour la forme, mais ils ont été retouchés, condensés, élaborés, et finalement utilisés dans un but polémique. Ils ont ainsi perdu çà et là quelque chose de la fraîcheur, de l'abandon familier et un peu diffus du style de frère Léon. L'été dernier, 1913, le professeur A.G. Little me communiquait la description détaillée d'un manuscrit franciscain qu'il a eu la bonne fortune d'acquérir. Il s'agit du Philips 12290. Ce nouveau document va permettre aux études franciscaines un pas nouveau important. Sa plus grande utilité, du moins pour le moment, est d'apporter, sinon la lumière définitive dans les questions si discutées du speculum perfectionis et de la légende des trois compagnons, du moins des clartés inattendues. En parlant ainsi, je ne songe pas à une cinquantaine de chapitres du Speculum Perfectionis, section 81 à 133 du manuscrit Little, qui constitue un choix à peu près identique à celui qu'on connaît déjà par la compilation d'Avignon. Voir par exemple le manuscrit de Lianitz. La ressemblance dans le choix des morceaux correspond du reste à une parenté évidente entre les leçons du nouveau manuscrit et celles des manuscrits de la compilation d'Avignon et du Speculum Vitae. On appelle compilation d'Avignon ou Legenda Antiqua des recueils composés au couvent d'Avignon vers 1322. Le général, favorable à l'étroite observance, faisait lire à table la Legenda Antiqua, et, à en juger par les extraits qui nous sont parvenus, il faut entendre par là surtout les écrits de frère Léon et en première ligne le Speculum Perfectionis. On engageait les frères à en prendre des copies pour compléter la Legenda Nuova, ou Légende de Saint Bonaventure. Il existe de nombreux manuscrits qui ont cette origine. Aucun n'est l'œuvre d'un copiste de profession, tous sont plus ou moins différents les uns des autres. Ce qu'il y a de tout à fait nouveau, et qui va permettre d'asseoir les discussions concernant la Legenda Vetus et tous les écrits de frère Léon sur une base nouvelle et très large, ce sont 55 chapitres, section 145 à 199 de la description, qui presque tous racontent des faits déjà connus, mais les racontent sous une forme nouvelle dont l'importance s'impose au premier coup d'œil. Que sont donc ces récits parmi lesquels plus de la moitié redonnent des faits racontés par le speculum perfectionnis en ajoutant parfois des précisions et des faits d'une réelle portée pour la vie de Saint François? Et dont 12 correspondent plus ou moins parfaitement à des chapitres de Celano II qui ne se retrouvent pas dans le Speculum Perfectionis? Le professeur Little s'est immédiatement aperçu que la plupart des morceaux de cette partie de son manuscrit, apparentés au Speculum Perfectionis, ont une rédaction souvent identique à celle qui est offerte par les publications du père Lemens. Verba, intentio, redactio prior, avec cette différence que le nouveau manuscrit offre quelquefois le texte original complet d'un récit dont les documents les mens n'avaient que des extraits. Pour les récits communs à la seconde vie de Celano et au nouveau manuscrit, L'avantage est tout à fait en faveur de ce dernier, il offre une narration plus simple et où l'intensité de vision est bien plus marquée. L'heureux possesseur du nouveau manuscrit a été ainsi amené à voir dans ses chapitres une partie des documents utilisés par Thomas de Celano pour la seconde vie, c'est-à-dire des fragments du travail de frère Léon. La description qu'il a établie est copieuse, et, pour les chapitres les plus curieux, il donne les textes intégralement. On devine combien je lui suis reconnaissante d'avoir bien voulu donner aux opuscules la primeur de cet important travail qui fera époque dans la question des sources. Il est édité simultanément en anglais dans les travaux de la Société britannique d'études franciscaines. Un nouveau manuscrit franciscain ancien Philips 12290. Aujourd'hui dans la bibliothèque A.G. Little décrit et étudié par A.G. Little, président de la Société britannique d'études franciscaines. Ce fascicule est le dernier qui est paru dans la série des opuscules de critique historique. Qu'il me soit permis d'ajouter que les résultats auxquels a abouti l'éminent franciscanisant anglais, confirment et complètent ceux auxquels j'étais arrivé, soit en étudiant les publications du révérend père Lemens, soit en confrontant les divers états qui nous sont arrivés de certains récits. Nous avons désormais pour un nombre tout à fait suffisant des souvenirs qui se trouvent dans la seconde Celano deux états de récits que tout temps a démontré antérieurs. Si une série de ces deux états constitue, à n'en pas douter, une partie des matériaux utilisés par Celano, pourra-t-on se refuser à y voir, qu'on l'appelle Legenda Vetus ou autrement, des fragments de l'œuvre des trois compagnons? Et si, enfin, l'autre état se démontre lui-même, source de celui qui précède, se refusera-t-on à reconnaître que la légende des trois compagnons a été précédée d'une œuvre très analogue, et qui a eu les mêmes rédacteurs? Qu'on laisse parler les documents, qu'on se laisse guider par eux, et toutes ces questions s'éclairciront. On ne sera plus obligé d'imaginer des faussaires travaillant sans qu'on aperçoive leur but. Un faussaire, auteur de la légende traditionnelle des trois compagnons, voilà où il a fallu arriver pour en expliquer l'origine, quand on a voulu l'arracher à la place qui lui revient dans la série des biographies de Saint François. On n'a pas songé à se demander si on n'a jamais vu des faussaires qui aient fait des chefs-d'œuvre. La Legenda Antiqua du manuscrit de Pérouse. Enfin, en 1922, le révérend père Ferdinand Delorme publiait des articles intitulés La Legenda Antiqua du manuscrit 1046 de la Bibliothèque communale de Pérouse. Il y donne la description du manuscrit et d'importants extraits étroitement apparentés au récit du manuscrit Little. Il s'agit d'un document évidemment antérieur à la seconde vie de Thomas de Celano. Nouvelle édition en 1926 aux éditions de la France franciscaine. Il en a été fait une traduction française, ABJ Monsieur Fagot. S. François d'Assise raconté par ses premiers compagnons. Traduction française de la Legenda Antiqua, d'après le manuscrit de Pérouse. Paris, Blou, 1927.